Voici, en 45 minutes environ, l'intégrale de « La femme de Paul », nouvelle écrite par Guy de Maupassant et publiée en 1884. Enregistrement de Jean-Paul Alexis, 2018.